chaché, chaché, chaché, vamos pau, vamos sapapu. Chaché, chaché, chaché, vamos pau, vamos sapapu. O que é sapo vivo, monché, no pau chão da coabel. Toujours a volé, famo, é javel tout patou. Chaché, chaché, chaché, vamos pau, vamos sapapu. Chaché, chaché, chaché, vamos pau, vamos sapapu. Chaque fois rivé yon côté ou rencontré yon bel bébé, ou toujours après post timidité ou parler. Oh non, ou pas un vle draguer, ou toujours été bras croisés. Après yon l'autre fait premier pas pour préparer terrain. Cherche, cherche, femme pas. Ou à chance, femme pas. Femme ça va pour. Femme ça va pour, mon cher. Cherche. Ou que ça vous défend? Ou toujours caché ce fond? Ça c'est vrai! Ouais. L'amitié, c'est pas Dieu qui fait mon nom, c'est chercher pas. C'est là où bon. Chef, on s'en bat pour vous. Chef, je comprends. Souvent, mettez-moi pour le toit. Chef, je comprends. Oh oh. Ça c'est femme zambi oublié. Chercher pao, apprendre chercher femme pao. Suspend, suspend manger femme.